Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, bienvenue pour la deuxième séance de notre parcours sur la naissance de la Bible. Nous avons vu la semaine dernière un peu la structure, je vous ai montré la différence entre Ancien et Nouveau Testament. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du canon. Comment le canon, ce qu'on appelle le canon, s'est construit. Mais auparavant, il nous faut continuer un tout petit peu dans notre enquête sur la difficulté, parce que comment ça se fait que les biblistes disent tel texte date du 7e siècle, quel texte date du 8e, tel texte date du 4e siècle. Comment peut-on savoir ? Comment peut-on savoir ? C'est pas si simple que ça. Je vous ai montré, on a terminé la semaine dernière avec Spinoza, qui était un des premiers en fait à se poser la question. Et lui avait en effet une manière assez simple, en fait, argumenter en disant il y a une grande histoire qui va jusqu'au livre des rois. Donc en fait, l'auteur de cet ensemble, de la Genèse jusqu'au deuxième roi, il ne peut pas être avant la destruction de Jérusalem. Et puis donc, il pensait qu'il faut dater l'ensemble de tous ses écrits à l'époque perse. C'est une bonne observation, mais qui n'était évidemment pas assez précise. Donc je vous ai rappelé qu'à l'époque, ça lui valait quand même d'être exclu de la communauté juive d'Amsterdam. Mais en fait, en plus, il était plus philosophe que bibliste, donc il n'avait pas tous les outils. Parce que le problème, en fait, que Spinoza n'avait pas encore vu ou n'avait pas vraiment pris en considération, c'est en effet l'observation des différences stylistiques et aussi idéologiques à l'intérieur de ce livre. Et un des premiers à en faire une observation qui menait vers des datations des différents textes, c'était Wilhelm Martin Leberecht de Wette, qui avait enseigné à Bâle et ensuite à Berlin, et qui, dans sa thèse, à l'époque, on écrivait les thèses encore en latin, en plus, la thèse était 30 pages, aujourd'hui, on écrit 600 plutôt que 30, pour des thèses en Bible. Donc, il avait en effet essayé de montrer la particularité du livre du Deutéronome à l'intérieur du Pentateuque. Parce que le livre Deutéronome, déjà le titre Deutéronome, deuxième loi, montre que c'est un peu un statut particulier. Et puis, il avait d'ailleurs observé un certain nombre de phénomènes. Par exemple, que si vous regardez la fin du Lévitique au chapitre 26, vous avez déjà une conclusion avec des bénédictions et des malédictions qui sont très très proches de ce que vous avez à la fin du Deutéronome. Donc, deux conclusions parallèles. Du coup, on peut se poser la question que Wette se posait, est-ce qu'en effet, il y a une différence entre ce qu'on pourrait du coup appeler le Tétrateuque, les quatre premiers livres, et le Deutéronome. Et c'est ça, en effet, ce qui va le pousser à poursuivre son investigation. L'idée, en effet, que le Deutéronome provient d'un auteur ou d'un milieu différent de ceux des livres précédents. Et il a également observé, ce qu'on peut clairement observer, j'en ai parlé très brièvement la semaine dernière, que vous avez un certain nombre de récits qui figurent à la fois dans les livres de Genèse et de Nombre, jusqu'à Nombre, et dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, on récapitule l'histoire des espions qui ne voulaient pas entrer dans le pays, on récapitule comment Moïse installe des juges pour se faire décharger, etc. Donc il y a en effet des récits parallèles. Du coup, c'est aussi très peu vraisemblable que ce soit le même auteur qui, deux fois, raconte à peu près la même chose. Et De Wette a également observé une chose, à savoir que dans le Deutéronome, ce qui est central, c'est cette idée de la centralisation du culte, à savoir qu'il y a un seul endroit que Yahvé va choisir pour qu'on y offre des sacrifices. Ça, c'est au chapitre 12, ce qu'on appelle souvent la loi de centralisation, et qui, selon De Wette, et il a été suivi par beaucoup de monde, fait allusion en fait à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Alors, Si ça fait allusion au temple de Jérusalem, à quel moment un tel texte a été écrit? Ça, c'était la question de Wette. Et puis, alors, il fait un rapprochement avec ce qu'on appelle la réforme du roi Josias, aux deux rois 22 et 23. Hein? Josias, en effet, selon ce récit, aurait en effet centralisé tout le culte de Yahvé en interdisant toutes les autres sanctuaires à Jérusalem. Alors, Josias, on peut le dater, hein? On peut le dater vers 620 avant notre ère. Donc, du coup, ça, c'était l'idée de Wette. Le Deutéronome, au moins la première édition du Deutéronome, a été écrit pour légitimer la réforme de Josias. Alors, de Wette avait l'idée qu'on aurait caché secrètement le livre dans le temple. Ça, c'est peut-être pas tout à fait nécessaire d'imaginer. Mais le lien entre le Deutéronome et la réforme de Josias, ça, c'est une observation de Marc qui, comme le disait après Otto Eisfeld, ça devient une sorte de point d'Archimède pour la datation des textes du Pentateuque. C'est-à-dire, il y a du coup des textes pré-deutéronomiques qui sont avant le Deutéronome et qui sont après le Deutéronome. Et la première version du Deutéronome, si vous le datez au 7e siècle, vous avez en effet, pour la première fois, une sorte d'accroche chronologique qui est en effet le résultat d'une observation historique et qui est en dehors, en effet, du Pentateuque. Parce que le Pentateuque, évidemment, se présente comme des origines qui se terminent avec la mort de Moïse. Et là, pour la première fois, de Wette avait trouvé en fait une possibilité de relater certains textes à un événement spécifique. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Mais on n'a pas encore résolu tous les problèmes. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous ce magnifique texte, ce qu'on appelle parfois la vocation d'Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille, va vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction, et je vais bénir ceux qui te béniront et qui te bafouera, je le maudirai, en toi seront bénis ou se béniront toutes les familles de la terre. » Alors comment vous allez dater ce texte? Il date de quelle époque? Il n'y a pas de date. Tout à fait. Il n'y a pas de date. Donc, je vais vous montrer la difficulté. Alors, Gerhard von Rad, dont je vais vous parler encore plusieurs fois, lui, il avait dit c'est l'époque de Salomon. Pourquoi c'est l'époque de Salomon? Parce qu'il pensait, en effet, on en parlera quand on parlera du Pentateuque, son Yaviste, donc la source la plus ancienne du Pentateuque, sera située dans ce qu'il appelait, lui, les lumières salomoniennes, et que, en effet, le fait que la bénédiction et la grande nation et le pays sont promis, et selon lui, sous Salomon, d'une certaine manière réalisé, lui permettait de dire que ce texte date vers 930 avant l'ère chrétienne. Et de l'autre côté, vous avez Jean-Louis Ska, qui enseigne à l'Institut pontifical à Rome, qui dit que ce texte date de l'époque perse. Donc vous avez 500-600 ans de différence. Oui, c'est pas facile. Mais lui, il a une autre observation. Il dit, et là il a raison, de ce qu'on dit ici à Abraham, c'est une rhétorique qui vient de l'idéologie royale. C'est au roi qu'on promet, en effet, de rendre grand son nom et de devenir une source de bénédiction, comme vous pouvez le voir en 2 Samuel 7 pour David ou encore dans le psaume 72 au roi en général. Donc, du coup, Ska a une observation très simple. Il dit le fait qu'on transfère l'idéologie royale sur Abraham signifie que nous sommes à une époque où il n'y a plus de roi en Israël et où cette idéologie devient disponible pour l'appliquer à quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas quelle solution vous préférez, mais vous voyez, en effet, que si vous basez seulement sur le contenu d'un texte, ce n'est pas si clair que cela. J'ai une sympathie avec la théorie de Ska, mais disons, elle reste fragile. Du coup, comment trancher ? Alors certains disent, mais c'est très simple, en fait, il y a cas. Mais il y a cas, c'est compliqué parce que les gens disent qu'il faut chercher des indications spécifiques dans les textes. Mais si vous regardez le Pentateuch, si on garde un moment le Pentateuch, là, il y a un problème, parce que dans le Livre des Rois, en effet, il y a des facilités d'une certaine manière, parce qu'on parle de tel ou tel roi assyrien, égyptien, qu'on peut aussi retrouver dans d'autres documents et qui donne au moins une datation approximative. Dans le Pentateuch, en fait, vous avez très peu de personnages que vous pouvez, en effet, mettre en rapport avec des événements historiques. Dans l'histoire d'Abraham ou de Joseph, dans l'histoire de l'Exode, on parle beaucoup de Pharaon. Mais c'est quel Pharaon ? Alors, parfois, on dit c'est Ramsès, parce que c'est un grand Pharaon, mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Si on voulait dater, ben, on aura pu donner le nom. Seule exception, c'est pour le roi philistin Abimélec, où on a éventuellement, chez les Assyriens, un dénommé Abdi-Milik, roi philistin. Mais à ce moment-là, on n'est pas du tout à l'époque des patriarches, on est au 7e siècle. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des récits du Pentateuch, en fait, veulent construire des types de personnages, des récits, en effet, typiques, symboliques d'une certaine manière, mythiques aussi, et qui cherchent à décrire l'intervention de Yahvé en faveur de son peuple, sans qu'ils disent « ça va, en effet, faire allusion à tel ou tel événement précis ». Et donc ça, je pense, il faut, en effet, le prendre en considération. On aura l'occasion d'y revenir, mais la volonté de vouloir trouver des dates pour les patriarches ou pour l'Exode ou pour Moïse, à mon avis, c'est un peu une tentative quelque peu difficile, voire erronée, parce que souvent, derrière cette idée de vouloir dater l'époque des patriarches, de vouloir dater l'Exode, il y a cette idée que la vérité des récits bibliques dépend de leur historicité. Donc, si ça ne s'est pas passé, alors ça veut dire que la Bible ne dit pas vrai. Donc, il y a plus, là, je dirais, des options de conviction, alors qu'est-ce qu'il faut dire, religieuse, que une approche d'historien. Donc, je pense, en effet, il ne faut pas mélanger les deux niveaux. Et la question de la vérité, il faut se poser autrement cette question qu'en fonction de l'historicité des événements. Je pense qu'un récit peut être tout à fait vrai, d'une certaine manière, même s'il ne s'est jamais passé. Prenez l'histoire de Cain à Abel. C'est une histoire qui ne s'est jamais passée, mais qui, d'une certaine manière, se passe tout le temps. Parce que c'est une réflexion sur l'origine de la violence. La vérité ne réside pas dans l'historicité des deux personnages. Parce que là, très vite, vous avez des grands problèmes, parce que, bah, posez-vous la question d'où est-ce que Cain a trouvé sa femme ? Parce que si vous prenez l'historicité dans un sens très, très précis, bah, il n'y avait pas d'autres humains à l'époque sur la Terre que Adam, Ève et les deux enfants. Donc ça montre en effet que nous sommes là sur un niveau du récit, du mythe. Et donc il ne faut pas confondre l'historicité des événements avec des possibilités justement de les légitimer d'une manière ou d'une autre. Mais revenons à la question vraiment de la datation des récits. Alors là, il y a une possibilité à laquelle beaucoup de gens croient, c'est ce qu'on appelle l'évidence linguistique. Là, il y a l'idée qu'on a là des outils tout à fait précis, voire objectifs. À savoir, on va dire, il y a une distinction qu'on peut faire entre l'hébreu biblique classique et l'hébreu biblique tardif. Donc l'hébreu, comme toutes les langues, évidemment, a connu une évolution. Et donc, si vous regardez certains textes, vous voyez que les livres des Chroniques, par exemple, sont écrits dans un hébreu différent que les livres des Rois. et ce qui pourra montrer que les chroniques sont plus récentes que le livre des rois. Donc ça, c'est une méthode qui est très suivie, surtout aux États-Unis, en partie en Israël, disons plus à Jérusalem qu'à Tel Aviv, et qu'en Europe, on est hésitant. Et je montre tout de suite pourquoi on est hésitant. Il y a des précautions qu'il faut prendre avec cette idée qu'une fois qu'on a, soi-disant, décidé que ce soit l'hébreu classique ou l'hébreu tardif, il faut qu'on arrive à dater le texte. Je vais vous montrer tout de suite le problème. La première question qu'il faut se poser, est-ce que l'hébreu biblique était une langue parlée? Ça, c'est une grande question. Parce que si on fait l'évolution d'une langue, c'est par rapport à une langue parlée. Mais est-ce que l'hébreu biblique, qui, nous allons le voir plus tard, est en partie l'invention d'un groupe qu'on appelle les Massorètes, est-ce que c'était vraiment ainsi qu'on parlait au 9e, 8e, 7e siècle avant notre ère? Rien de plus sûr. Autre chose aussi, est-ce qu'on peut postuler une langue hébreu biblique unifiée? Est-ce que dans le nord, à Samarie, on parlait exactement de la même manière qu'à Jérusalem, voire à Beersheba? Donc il y a certainement des variantes dialectales, des variantes géographiques, certainement aussi. Et je vous montre tout de suite le problème. Tout le monde est d'accord que le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, est un des derniers livres de la Bible hébraïque. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Parce que c'est en effet un hébreu qui est tardif d'une certaine manière et qui a des particularités qu'on va retrouver après dans l'hébreu de la Mishnah, dans l'hébreu rabbinique. Donc c'est vrai que là, nous avons un livre qui est vraiment écrit dans cet hébreu-là. Mais en même temps, vous avez l'histoire de Jonas, que beaucoup vont aussi dater à l'époque hellénistique, ou la première partie de Zacharie, qui est déjà par les auteurs datée aussi à l'époque perse, qui sont écrits dans un hébreu tout à fait classique. Donc c'est difficile de simplement prendre l'état linguistique d'un texte. Alors comment expliquer ça? Donc d'abord, il faut dire, en effet, il est clair que c'est très très difficile de fixer une ligne de démarcation précise entre ce qui est l'hébreu biblique classique et l'hébreu biblique tardif. Et encore récemment, Cynthia Edenburg de l'université Tel Aviv, elle a fait une observation très très intéressante. Elle a montré en effet que les textes qu'on admet souvent comme tardifs de la période perse, qu'on date aussi avec parfois l'évidence linguistique, en fait, ils ont la même particularité qu'on trouve dans les inscriptions, en dehors de la Bible, des inscriptions hébraïques du 9e ou 8e siècle, à savoir, ils mettent, pour ceux qui savent un peu l'hébreu, qui mettent le COD, donc l'accusatif dans les pronoms, directement, il colle directement au verbe. Alors que vous avez aussi une autre manière de l'exprimer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a à la fois dans les textes tardifs, mais au niveau des inscriptions, vous avez ça déjà 9e, 8e siècle. Donc, l'hébreu biblique est autre chose qui est simplement une sorte de photo d'une langue à un moment précis. C'est une langue qui est devenue une langue sacrée et dont la longévité a dépassé le stade parlé. D'ailleurs, il faut aussi vous imaginer que, comme je vous ai déjà dit, les rédacteurs, les réviseurs du texte, quand ils ont trouvé le texte, quand ils ont ajouté du texte, ils savaient évidemment écrire de la même manière que les textes qu'ils étaient en train de rédiger, d'actualiser. Donc ils connaissaient bien, c'est des scribes, ils savent très bien comment il faut écrire pour rester dans le même style, de l'Exode ou des Proverbes, etc. Et le fait que le seul livre qui est très clairement hébreu tardif, que ce soit Coëlette, ce n'est pas par hasard, parce que c'est probablement le seul livre de la Bible qui a été écrit d'un seul trait. Et si ça a été écrit seulement au IIIe siècle, alors évidemment, on peut comprendre pourquoi, là, on a ce fameux hébreu tardif. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et on le sait aussi à l'extérieur de la Bible, des scribes mésopotamiens, au VIe, Ve siècle, ils savaient encore écrire le sumérien, alors que personne parlait le sumérien depuis 1000 ans. Donc ça veut dire qu'il faut être très très prudent avec cette idée, il n'y a qu'à décider que c'est de l'hébreu classique et c'est l'hébreu tardif. Il y a des gens à Jérusalem qui disent, en effet, tout le Pentateuque a été terminé au 7e, 6e siècle parce qu'il est écrit en hébreu classique. Mais c'est oublié que les scribes peuvent, en effet, encore à l'époque hellénistique, écrire en hébreu classique s'ils veulent travailler sur un certain texte. Donc, du coup, alors on peut faire attention au style, mais il ne vous donne pas la solution non plus. Alors, est-ce qu'on a d'autres solutions ? Autre solution, c'est ce qu'on appelle les arguments ou des argumenta ex silentio. Ça, c'est une méthode qu'on trouve aussi dans les études classiques. L'idée étant, si quelque chose n'est pas mentionné, ça n'existe pas encore. Donc, un de ceux qui a essayé d'appliquer ça au texte biblique, c'est Forlender, qui avait essayé de montrer que la plupart des textes narratifs du Pentateuque qui ne se trouvent pas dans la fameuse source sacerdotale dont je vous parlerai, qui date d'une époque tardive, qui ne sont pas attestés dans d'autres parties de la Bible, chez les prophètes ou chez les écrits, avant l'époque exilique ou perse, donc avant le VIe siècle. Et donc, du coup, son idée, c'est que tous les textes narratifs du Pentateuque ne datent seulement qu'à partir de l'époque babylonienne. Alors, c'est un argument qui est aussi un tout petit peu difficile, parce que l'absence d'une allusion à une traduction ne signifie pas que cette traduction n'existe pas du tout. On peut aussi pas la mentionner parce qu'elle n'est pas considérée comme importante, ou parce qu'elle est gênante, ou parce que vous avez, en effet, dans toute la Bible, aucune allusion à l'histoire d'Adam et Ève. Mais est-ce que ça veut dire que c'est seulement écrit à l'époque hellénistique ? Probablement pas. Mais il y a quand même dans cet argument ex silentio quelques observations qu'on peut faire qui sont intéressantes. C'est par exemple, quand on regarde la figure d'Abraham, comment il est cité en dehors de Penta ou Hexateuque dans les livres de Genèse jusqu'à Josué. On voit en effet que contrairement à Jacob qui est cité tout le temps, Abraham est très très peu cité. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, si vous prenez ce tableau-là, il n'y a aucune occurrence du couple Abraham et Isaac. Il y a quelques citations d'Abraham avec Jacob, jamais avec Isaac. Et quand on regarde les textes les plus anciens, qui datent en effet des prophètes qu'on peut situer vers la fin de l'époque babylonienne, au début de l'époque perse, ben là, en effet, vous avez Abraham qui est présenté comme étant seul. Pourquoi il est seul ? Il n'a pas encore de fils, c'est très curieux. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est mis en relation à la fois avec le pays, parce qu'il a possédé le pays, mais ce n'est pas comme dit la Genèse, où c'est Dieu qui lui a promis le pays, là, il a possédé le pays, hein, et il a été infertile, et il a eu une descendance. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, dans ces deux allusions, quelques liens avec des grands thèmes de la Genèse, le pays et la descendance. Et quand on regarde ce texte du VIe siècle, d'Ézéchiel 33, ben, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est difficile d'imaginer qu'on aurait inventé Abraham à ce moment-là, parce qu'il n'est pas présenté comme quelqu'un d'inconnu. Hein ? Auprès des destinataires, ben, il est considéré comme, mettons, en effet, que les destinataires savent de qui on parle. Hein ? Ce n'est pas un personnage que personne ne connaît. En même temps, dans les deux cas, il n'est pas lié ni à Isaac ni à Jacob. Donc, est-ce que à ce moment-là, la tradition d'Abraham était déjà reliée à la tradition de Jacob. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Autre exemple des arguments et silencio, où c'est encore plus frappant, c'est l'histoire de Joseph. Alors là, c'est très clair. Dans toute la Bible, vous n'avez pas d'allusion claire à l'histoire de Joseph. Le nom Joseph est mentionné souvent, mais comme un nom géographique, pour Éphraïm, pour le nord. Mais la seule allusion à l'histoire de Joseph, c'est le psaume 105. Et là, tout le monde est d'accord que le psaume 105, c'est un des derniers psaumes qui résume l'ensemble du Pentateuque. Donc, il n'y a aucune allusion à Joseph. Encore dans le Siracide, qui n'est pas dans la Bible hébraïque, mais qui date du IIe siècle avant l'ère chrétienne, et qui contient toute une énumération des grands hommes de l'histoire, de Adam jusqu'au roi et des prophètes, on passe directement de Jacob à Moïse. Et tout à la fin, on dit « Ah, il y avait encore Joseph », comme si on l'avait oublié ou comme si quelqu'un l'a ajouté après. Donc ça veut dire quand même que là, on est assez sûr que c'est une histoire récente, l'histoire de Joseph. Et là, du coup, on peut aussi confirmer cette théorie-là avec des observations des égyptologues qui disent « mais la plupart des noms, des coutumes qui sont présupposés dans l'histoire de Joseph, on est plutôt dans des époques qu'on appelle l'époque saïde, à partir du 7e, 6e siècle. » Donc on n'est pas au début du premier, voire à la fin du deuxième millénaire. Donc là, vous avez parfois des possibilités. Mais évidemment, ce n'est jamais totalement précis. Après, vous avez des questions qu'on peut également poser, terminus ad quo et terminus ad quem. À partir de quand est-ce qu'il est possible que tel ou tel texte littéraire a pu être écrit et jusqu'à quand il a dû être écrit, hein ? Exemple très classique, c'est la fin des livres des rois. La fin des livres des rois se termine avec le roi Joachim qui sort de sa prison babylonienne sous le règne de Amel-Marduk, qui est ici vocalisé Evel-Merodach par les Massorètes. Donc, on a d'ailleurs des tablettes mésopotamiennes qui parlent du roi Joachim. Donc c'est en effet, là, il y a un souvenir historique. Et on sait que ce roi, il est mort vers 560. Donc Martineau avait dit, le Deutéronomiste, je vous parlerai du Deutéronomiste plus tard, le Deutéronomiste, en effet, a écrit son œuvre juste avant la mort de Avel-Marduk. Parce qu'il ne raconte rien d'autre. Alors, est-ce que c'est la seule conclusion qu'on peut en tirer? C'est-à-dire, c'est en effet la date la plus tôt possible, mais est-ce que c'est nécessairement la date la plus tard? Ça, je vous donne une citation d'un professeur d'Édimbourg qui dit « Le fait que le livre des rois s'achève sur le destin du dernier roi de Juda ne nous dit pas plus sur la date de leur composition » que le fait que le Pentateuque s'achève sur la mort de Moïse. On a déjà parlé de la mort de Moïse. Donc, c'est-à-dire, on peut arrêter une histoire en l'écrivant dans un contexte beaucoup plus éloigné du dernier événement qu'on écrit. Ça peut être aussi une option simplement théologique, idéologique. Peut-être voulait-il montrer que le destin de Joachim est symbolique pour le destin des exilés qui, désormais, peuvent s'installer en diaspora. Donc vous pouvez dire que c'est la date la plus tôt possible, mais pas nécessairement la seule date de composition. Vous avez d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Par exemple, l'expression de Ur-Kasdim, Ur des Chaldéens. Abraham qui doit venir de Ur de Chaldéens. Alors là, c'est quand même assez intéressant parce que cette expression Ur-Kasdim, qui n'est pas beaucoup attestée, est construit à partir du nom Kasdim, qui est largement attesté et qui désigne toujours les néo-babyloniens, donc qui ont régné à partir du 6e siècle, fin du 7e et 6e siècle. Donc ça veut dire que les textes qui utilisent ça, même les textes d'Abraham, ils ne peuvent pas être écrits avant. C'est des textes qui, au plus tôt, peuvent être écrits au 6e siècle. Et idem pour Yavan. Yavan, dans le Pentateuque, est utilisé pour désigner des populations grecques de l'Asie mineure. Et si vous regardez où cette expression arrive, c'est toujours à l'époque perse, voire à l'époque hellénistique. Donc là aussi, on peut dire que c'est sans doute dans ce contexte-là que le récit, disons que le texte de ce qu'on appelle la Table des Nations qui parle de Yavan est écrit. Il faut dire quand même qu'il y a une inscription d'Assarhaddon qui fait déjà allusion à la Ionie, donc ça pourrait être légèrement antérieur. Néanmoins, on a là quand même des possibilités, au moins, de dire tel ou tel texte n'est pas possible avant le 7e siècle ou avant le 6e siècle. Donc c'est quand même déjà quelque chose. Mais ça ne vous dit pas à quel moment précis c'est écrit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme d'autres possibilités ? On a la possibilité de dater les textes par des comparaisons avec des textes en dehors de la Bible. Hein, tout le monde sait que le récit du déluge de la Bible est très proche du récit du déluge qu'on trouve dans la 11e tablette de Gilgamesh. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut d'abord dire que très probablement, les auteurs de ce texte, parce que pour compliquer la chose, l'histoire du déluge dans la Bible, c'est au moins deux strates, mais bon, on va laisser ça de côté pour le moment, hein, que les auteurs de ces deux strates connaissaient ce texte. Mais à quel moment est-ce qu'ils ont eu pouvoir, quand est-ce qu'ils ont pu connaître ce texte ? À l'exil babylonien, lorsqu'ils étaient à Babylone, ça c'est en effet assez plausible, parce que là, évidemment, ils avaient certainement entendu parler du déluge, aussi de la création sans doute. Ou est-ce que ça a été déjà véhiculé par exemple, par des marchands assyriens ? Donc là aussi, on n'est jamais tout à fait clair. L'histoire de la naissance d'Ismaël, ça c'est intéressant aussi, parce que là aussi, vous avez quelques possibilités. Ismaël, on peut peut-être, qui est le premier fils d'Abraham, on peut peut-être le mettre en rapport avec une sorte de regroupement de tribus arabes qui s'appelle Shumuil et qui sont attestés en effet dans des inscriptions assyriennes qui datent du 7e siècle. Donc est-ce que c'est dans ce contexte-là que l'auteur de Genèse 16 veut montrer que Abraham est le père de ces tribus ? Est-ce qu'il veut faire une sorte de lien entre des Judéens qui sont à Hébron et qui fréquentent ces groupes semi-nomades qui sont appelés par les Assyriens Shumuil. Ça, c'est possible. Autre possibilité, c'est quand vous avez un récit en dehors de la Bible qui est très proche d'un récit biblique. Ceux qui suivent le cours, les cours, ils ont déjà vu les parallèles qu'on peut très facilement faire entre le récit de la naissance de Moïse et la naissance du roi Sargon, hein, qui se réfère en fait au roi Sargon Ier, mais qui a été fabriqué à l'époque de Sargon II pour légitimer ce roi. Et là, on a trouvé de manière matérielle les tablettes. Alors ces tablettes-là, ils datent justement de la fin du 8e, début du 7e siècle, et donc ça nous donne de nouveau sorte de terminus sacro. Il est très très vraisemblable que le récit d'Exode 2 présuppose en effet ces textes-là. Et donc on peut dire qu'il peut être écrit au 7e siècle. Il pourrait être écrit plus tard, mais voilà, c'est la date la plus tôt possible. Et puis dans le même veine, là aussi c'est quelque chose que vous connaissez sans doute, c'est les parallèles qui existent entre le livre du Deutéronome, ça, De Wette ne connaissait pas encore, hein, mais qui vont en effet porter de l'eau sur le moulin de De Wette, hein, les parallèles entre les traités de vassalité assyriens et le livre du Deutéronome. C'est des parallèles qui sont très très forts, notamment avec un de ces sermons de loyauté, qui est le sermon de loyauté d'Assarhaddon, et qui peut être daté de manière tout à fait précise de 672. Et nous savons, grâce à l'archéologie, que les Assyriens faisaient des copies de ces traités. Ils les mettaient partout, dans tous les sanctuaires des pays soumis. Et donc, il y avait certainement une copie dans le temple de Jérusalem. Et donc, c'était facile pour les scribes de reprendre, en effet, ce que dit le traité d'Assyrien et ce que dit le Deutéronome. Donc, je vous laisse regarder. Tu aimeras Assurbanipal, roi d'Assyrie, comme toi-même. Tu tiendras tout ce qu'il demande. Tu ne chercheras pas d'autre seigneur que lui. Et toutes les paroles, etc., tu les répéteras à tes fils. C'est le langage biblique. Sans les Assyriens, on n'aura jamais eu le Deutéronome. Non, c'est vrai. Donc là, du coup, vous avez aussi des possibilités de dater. Le Deutéronome ne peut pas dater avant 672. Alors, quand est-ce que ça a été écrit? Ça, on peut de nouveau discuter. Est-ce que c'est plus tard? Mais si on dit que le Deutéronome a été écrit à l'époque perse, comme certains de mes collègues en Allemagne aiment tellement le dire, mais pourquoi à l'époque perse ils vont aller chercher les traités de vassalité assyriens? Oui. Donc c'est plus clair que, c'est, disons, plus logique pour moi au moins, mais à la pause vous pouvez me convaincre du contraire. Mais c'est plus logique que ce soit un moment où ces traités ont une certaine importance. Donc, 7e siècle. Donc, ça confirme, comme je vous ai dit, la théorie de von Wett que le Deutéronome primitif a été rédigé dans le contexte de la réforme de Josias. Donc, on a vraiment là, au moins, quelque chose de relativement sûr. Après, vous avez ce qu'on peut appeler, évidemment, oui, alors, ce n'est pas l'ensemble du livre du Deutéronome, parce que le Deutéronome, évidemment, a été aussi révisé, rédigé au fur et à mesure. Après, on peut faire des datations relatives en comparant des récits parallèles à l'intérieur de la Bible. Donc, je vous ai déjà parlé des livres des chroniques et des livres des rois. Les chroniques qui réécrivent l'histoire des rois et qui sont probablement, disons 80% des biblistes sont d'accord, qui sont probablement plus récents. Aussi, là, du coup, il y a l'argument linguistique qui peut aussi entrer en considération parce qu'ils ont un autre hébreu. Et idem, on peut comparer la loi du Deutéronome avec la loi qu'on trouve en Exode 20 et 23, ce qu'on appelle le Code d'Alliance, et on peut aussi voir comment le Deutéronome réécrit cette loi. Ou comment Lévitique 26, contrairement à ce qu'avait pensé de Wett, semble présupposer les textes du Deutéronome, voire des textes sacerdotaux, et doit être donc plus récent. Donc ça veut dire qu'on peut établir pour certains textes, quand on a des parallèles, une chronologie relative, mais vous n'avez pas évidemment des dates précises. Après, il faut, c'est comme un archéologue qui fait des strates, après il faut le corréler à des événements historiques. Et pour cela, le Deutéronome reste toujours important. Donc, mais je crois qu'il faut aussi, pour conclure cette partie, il faut quand même toujours partir de, bah, comme les archéologues aussi, de ce qui est le plus sûr. Le plus sûr, c'est l'époque perse. C'est l'époque perse. Après, il faut essayer de remonter. On peut remonter, évidemment, avec le Deutéronome, me semble-t-il, jusqu'au 7e siècle, mais il faut aussi être tout à fait conscient que plus qu'on remonte dans le temps, plus que ça devient incertain. Si on veut dater un texte du 9e voire 8e siècle, il faut avoir des solides arguments. Il ne faut pas simplement dire « oui, ça va bien dans le 9e siècle », il faut pouvoir montrer avec toutes sortes, donc il faut combiner toutes les observations que nous avons à disposition. Il ne suffit pas de dire, comme l'histoire de la vocation d'Abraham, « Ah, ça fait penser à Salomon, donc je le date sous Salomon. » Il faut avoir des arguments un peu plus concrets. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans les cours qui vont venir. Donc c'est toujours un peu, il faut combiner toutes les observations que nous avons à notre disposition et il faut toujours commencer Et là, c'est vraiment quelque chose où les sciences bibliques sont tout à fait en parallèle avec l'archéologie. Il faut commencer avec ce qu'on a, et puis essayer de remonter couche après couche à ce qui est plus ancien. Et c'est pour cela qu'il faudrait que je vous parle maintenant du canon, hein, parce que là, déjà, on peut faire ce travail pour se poser la question quand est-ce que ça a commencé, et puis aussi de la diversité des témoins textuels, parce qu'on n'a pas encore parlé de cela. Quand on parle du Deutéronome, ben, on oublie qu'il y a au moins une cinquantaine de manuscrits du Deutéronome. Il y a déjà 20 à Qumran sur le Deutéronome. Ils ne sont pas toujours identiques. Donc quel Deutéronome est-ce qu'on a dans la tête quand on parle du Deutéronome? Pareil pour d'autres livres, bien entendu. Mais parlons d'abord de ce que je vous ai montré la semaine dernière, du canon en trois parties. Alors qu'est-ce que c'est un canon? Un canon, ben, ça vient d'un mot grec qui veut dire roseau, canne, et par extension après la norme, la règle, et qui peut-être vient d'un mot hébreu, kané. Hein, canon est peut-être simplement la reprise d'un mot sémitique, kané, qui dit à peu près la même chose, tige, branche, mesure. Et ensuite, évidemment, le terme désigne une sorte de collection, un corpus de livres qu'on considère comme fondamental, comme indispensable, que ce soit sur le plan religieux, mais aussi sur le plan de l'instruction, par exemple. Les Grecs, ils avaient des canons, mais des canons éducatifs, que chaque petit Grec devait lire, connaître par cœur, pour devenir un vrai homme. Parce qu'à l'époque, l'éducation n'était pas encore très, très démocratisée. Donc il y a l'œuvre homérique, par exemple, qui a un canon pour les Grecs. Et les philologues d'Alexandrie, ils vont distinguer, en effet, au niveau des auteurs, ils faisaient des catalogues d'auteurs à retenir et des catalogues d'auteurs qu'il faut plutôt laisser de côté. Donc ceux qui sont retenus et sont ignorés, qui sont mis de côté. Et donc, du coup, c'est les auteurs valables, les pratoménoi, qui entrent dans le canon. Ce n'est pas sans rappeler un peu l'histoire du canon biblique. Donc il s'agit en effet de répertorier des écrits fondateurs dans lesquels une communauté, un groupe se reconnaît. Donc le canon biblique en soi n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il s'inspire surtout des canons hellénistiques. Mais il y a en dehors de la Grèce, vous avez dans le bouddhisme, dans le jaïnisme aussi, des canons de textes qui sont considérés comme étant fondamental, même un canon de Confucius d'une certaine manière. Vous avez d'ailleurs le même problème avec Confucius qu'avec Moïse. Parce que Confucius historique, ben, il y a peu de manuscrits, aucun manuscrit en fait, qui remonte à son époque. Donc on est toujours un peu dans le même problème. Alors le terme, c'est intéressant, le terme n'est pas utilisé par les auteurs juifs de l'Antiquité, je veux dire. C'est un terme chrétien, dont on trouve la première attestation au IVe siècle chez un père de l'Église, Athanase, qui l'utilise pour désigner les livres reconnus par l'Église. C'est la lettre de Pâques d'Athanase où il fait la liste des livres qui deviennent en fait des livres officiels de l'Église latine. Le judaïsme parle plutôt des écrits ou des écrits saints, Kitpe HaKodesh, ou encore des écrits qui souillent les mains. Ça, c'est une expression pour dire la sacralité d'un livre. Par exemple, quand on ne sait pas si un livre doit entrer dans le canon ou non, c'était le cas notamment du Kohelet ou du Cantique, les rabbins ont discuté, est-ce que c'est un livre qui souille les mains? C'est-à-dire, est-ce que c'est un livre qui, en le touchant, a une sorte de force presque de sacralité qui fait ensuite qu'on doit se purifier? Parce qu'il y a beaucoup de liens entre le sacré et l'impur, d'une certaine manière. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc le canon de la Bible hébraïque, en trois parties, en effet, n'a été définitivement défini qu'à partir du 1er siècle, mais probablement encore plus tard, 2e, 3e, voire 4e siècle de l'ère chrétienne. Donc ça veut dire, d'une certaine manière, que le canon de la Bible hébraïque et le canon chrétien vont se construire un peu en parallèle. Évidemment, aucun livre biblique n'a été écrit avec l'idée de devenir un livre canonique, comme pour le Nouveau Testament. Quand Paul a écrit ses lettres, il ne pensait pas que ça allait finir dans le Nouveau Testament. Le Deutéronome, le Lévitique, évidemment, c'est des livres qui étaient écrits pour, en effet, revendiquer une certaine autorité, mais pas du tout dans l'idée de s'être retrouvé dans un canon. Alors, le canon, quand est-ce qu'on en parle ? Une des attestations, une des premières attestations d'un canon, on le trouve chez Flavius Joseph. Flavius Joseph, historien juif, mais qui n'était pas trop apprécié par les juifs à cause de ses collaborations avec les Romains, dont il doit toujours se justifier, donc va en effet écrire un petit ouvrage qui s'appelle Contre Appion en 95 de l'ère chrétienne. C'est un livre apologétique contre un philosophe romain auquel il veut montrer que le judaïsme est bien supérieur à la philosophie grecque et romaine. Et puis dans ce contexte, il dit qu'il y a 22 livres seulement que les juifs gardent et connaissent. Les 5 livres de Moïse, depuis la mort de Moïse jusqu'à Artaxerxès, 13 livres, et encore 4 derniers livres qui contiennent des hymnes à Dieu et des préceptes moraux pour les hommes. Alors, donc là, on a pour la première fois l'idée d'un canon en 3 parties. Évidemment, les 5 livres de Moïse, ça c'est facile. Pour les 13, c'est plus compliqué. Et ça montre déjà que le comptage n'est jamais clair, parce que Esdras-Néhémie, ça peut être un livre. Les juges peuvent être considérés comme un seul livre ensemble avec le livre de Ruth, etc. Donc le comptage n'est pas tout à fait clair. Et puis les 4 derniers, probablement Psaume, Proverbe, l'Ecclésiaste et le Cantique. Mais donc vous avez l'idée de 3 parties qui est évidemment encore éloignée de ce qu'on a après dans le canon tel qu'il a été deviné. Et ce qui est intéressant, ça va donc pour lui de Moïse jusqu'à Artaxerxès, donc de Moïse jusqu'à l'époque perse. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez également dans le Talmud, qui, en effet, en parlant des auteurs de la Bible, s'arrête aussi à l'époque perse. Un peu dans la même veine, nous avons le 4e livre d'Esdras, qui est justement attribué à Esdras, qui est dans la tradition celui qui fixe le canon. C'est Esdras, dont ce livre, inspiré par Dieu, aura dicté pendant 40 jours à 5 personnes 94 livres. 94. Mais des 94, il ne publie que 24 livres et les 70 autres, il les garde pour les seuls initiés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord. Évidemment, il y a un canon ici, non pas de 22, mais de 24 livres. Et à côté, il y a 70 livres qui ne sont pas dans le canon. Donc ça veut dire aussi, ça reflète le fait que le canon, c'est aussi une sélection. On laisse beaucoup de choses de côté. Probablement, à cette époque, c'est un peu la même époque que Flavius Joseph, donc des livres de teneur sans doute apocalyptiques qui n'ont pas été jugés intéressants pour le canon. Mais là, pour le canon, on arrive à 24 livres. C'est aussi le chiffre que donne le Talmud, 24. Alors pourquoi 24 ? Est-ce que c'est 2 fois 12 ou est-ce qu'il y a une autre idée ? Mais souvent, on pense en effet que 24 est la tradition plus ancienne que le 22, comme le dit aussi un Midrash, qui introduit plus de 24 livres dans sa maison, fait entrer la confusion chez lui. Donc, comptez vos livres, vous verrez. Après, il faut que ce soit les bons livres. Ça. Bon, là, on a 24 livres. On a 24. Chez Flavius, on avait 22. Alors, souvent, on dit que 24, c'est peut-être le chiffre plus ancien. Et le 22, on aurait essayé de trafiquer un peu pour arriver à 24, pour, en effet, arriver au nombre de lettres de l'alphabet hébraïque. Parce que l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Donc, du coup, c'est une belle manière de montrer un peu la cohérence, la perfection du canon. Mais du coup, si on dit 22, on peut aussi dire 27. Pourquoi 27? Les hébraïsans le savent, parce qu'il y a 5 lettres qui s'écrivent différemment lorsqu'ils sont à la fin d'un mot, hein, comme le kaf ou le nun ou le mem, etc. À la fin d'un mot, ça s'écrit différemment. Donc, si on compte ça, on arrive à 27. Et donc, c'est une autre tradition selon laquelle, en effet, la Bible comprendra 27 livres. Et c'est en effet ensuite utilisé par les pères de l'Église, Jean Damascène, pour exemple, pour dire que les deux parties de la Bible chrétienne ont 27 livres. Parce que dans le Nouveau Testament, on compte aussi 27 livres. Ça, c'est plus facile à compter que le canon hébraïque. Et donc, c'est une manière, en effet, de présenter la Bible chrétienne comme une sorte de diptyque des deux parties, ou donner aux deux parties la même valeur. Alors que le Nouveau Testament, en comparaison avec l'Ancien Testament, c'est plutôt une brochure, comme dit certains, bah, dit au niveau déjà de la taille. Hein, c'est un petit cahier qu'on a mis à côté. Alors, l'idée que ça se répartit en trois, peut-être pour la première fois, on le trouve sans comptage, on le trouve dans le prologue au livre du Siracide, hein, qui parle en effet, qui est écrit par le petit-fils du Siracide, vers 130, et qui dit « Il y a beaucoup de grandes choses nous ont été transmises par la loi, les prophètes et ceux qui les ont suivis. » Donc là, on a une idée aussi de trois. Par contre, dans le Nouveau Testament, ben, on a souvent deux. On a la loi et les prophètes, ou Moïse et les prophètes. Si vous lisez les textes du Nouveau Testament, vous n'avez pas tellement l'impression qu'on a l'idée de trois. Il y a une seule exception à ça. À la fin de l'évangile de Luc, avec les disciples d'Emmaüs, hein, où, en effet, Jésus se fait connaître aux disciples et il leur dit... Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, est-ce que les psaumes, c'est le passe-prototo pour tout, pour tous les Ketuvim, ou est-ce que c'est seulement les psaumes? C'est difficile de savoir. Par contre, chez Philon d'Alexandrie, qui est quand même plus ancien que les écrits du Nouveau Testament, dans un livre où il parle des thérapeutes, une sorte de secte un peu comme les Esséniens, il dit qu'ils étudient les lois et les oracles de Dieu, annoncés par les prophètes, et les hymnes et les autres choses. Donc là, on a de nouveau l'idée de trois. Alors, ces trois parties, comment elles se sont constituées? Dans la tradition juive, c'est Esdras. Esdras aurait en effet fait le canon, il n'aura pas seulement fait le Pentateuque, il aura fait le canon en trois parties. Évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais ce qui, à mon avis, reste une observation valable quand on prend les trois parties, c'est une observation qui était déjà faite à la fin du XIXe siècle par Heinrich Graetz, qui dit que la canonisation des trois parties suit un peu les trois parties, c'est-à-dire que le Pentateuque est la partie la plus ancienne qui a connu un statut d'autorité. Après sont venus les prophètes et les écrits en dernier. Ça me semble en effet la théorie qui est la meilleure. Il y a une théorie minoritaire qui dit en effet que la loi et les prophètes étaient d'emblée canoniques. Donc à partir de l'époque perse, c'est pour cela que le Nouveau Testament parlera des lois et des prophètes, hein, et que la séparation ou que la considération plus importante qu'on donnait au Pentateuque, que ce sera venu seulement avec les rabbins au 1er, 2e siècle de l'ère chrétienne. Mais ça, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Déjà, le simple fait que c'est le Pentateuque seul qui d'abord était traduit en grec. Si les lois et les prophètes auraient eu la même importance, on aurait traduit le tout en même temps. Les Samaritains qui n'ont gardé que le Pentateuque et non pas les prophètes vont dans le même sens. Donc je pense en effet que le premier qui reçoit un statut canonique, c'est la Torah, c'est le Pentateuque. Et ça commence à quel moment? Et là, de nouveau, on peut faire un certain lien quand même avec la tradition. autour de la figure d'Esdras. Donc vous connaissez cette expression de Heinrich Heine qui avait dit que le Pentateuque, c'est une patrie portative. Une patrie portative qui, en effet, se substitue à l'effondrement des structures étatiques comme le pays, la royauté, la cohésion géographique, et qui, en effet, offre aux exilés une patrie. Il ne faut pas oublier que le judaïsme va, en effet, naître comme une religion de la diaspora. Jusqu'à 1948, il n'y a pas de pays. C'est la diaspora. Il y a peut-être le bref épisode des Maccabées, mais bon, c'est quand même important. Donc le Pentateuque va en effet répondre à cette question de trouver une unité qui ne peut pas se baser sur une royauté, sur une autonomie politique ou sur une cohésion géographique. Certes, le temple est reconstruit, mais si vous êtes à Babylone ou si vous êtes en Égypte, vous ne pouvez pas y aller plusieurs fois par année. Donc il faut autre chose. Et donc l'époque perse est en effet tout à fait l'époque propice pour que on va mettre en place quelque chose comme Pentateuque. Si on croit le livre d'Esdras et Néhémie, c'est l'œuvre d'Esdras. Bon, Esdras, il est présenté à la fois comme un prêtre, mais en même temps un scribe. Déjà, vous voyez le personnage d'Esdras. Parce que souvent, on va dire le Pentateuque, on va en reparler, le Pentateuque, c'est une sorte de coproduction entre un milieu plus sacerdotal et un milieu plus laïque. Et Esdras, comme par hasard, il est à la fois prêtre et scribe. Il vient à Jérusalem, envoyé par le roi perse, avec justement la loi de Moïse. Et puis sa généalogie le fait, en effet, remonter jusqu'à Aaron, jusqu'aux frères de Moïse. Et ensuite, on va présenter, je ne sais pas si vous arrivez à lire, ensuite on va présenter une sorte de lettre d'accréditation d'Esdras, un des textes écrits en araméen, ce qui a fait croire à certains que c'est en effet un document officiel. D'autres pensent justement pour faire officiel, mais peu importe. Dans cette lettre d'accréditation, ce qui est très important, c'est qu'on met en effet une sorte de parallèle entre la loi d'Esdras et la loi du roi perse. Donc vous avez la loi de ton Dieu qui est dans ta main, mais vous avez aussi le fait que c'est la loi de ton Dieu et la loi du roi, à la fin, ici au verset 26. Donc il y a une sorte de mise en parallèle entre la loi d'Esdras et la loi du roi perse. Et Esdras, en effet, vous connaissez la suite de l'histoire, va faire lecture de cette loi à Jérusalem. Il va en effet se tenir et pendant toute une journée va lire toute la Torah. Alors quelqu'un m'a dit c'est possible. Je n'ai pas essayé. Essayer de lire tout le Pentateuque dans une journée, peut-être c'est faisable. Et donc après le peuple va accepter la Torah et donc les Lévites sont là pour l'expliquer, pour soutenir, etc. Donc il est clair que ça ne s'est pas fait dans une journée, sans doute, et que même le personnage d'Esdras n'est pas au-delà de tout soupçon au niveau de l'historicité. Peut-être qu'il n'y a jamais eu un Esdras. Par exemple, le Siracide ne le mentionne pas. Il mentionne Néhémie, mais il ne mentionne pas Esdras. Alors si Esdras était celui qui avait apporté la loi, c'est quand même intéressant qu'il ne mentionne pas. Donc peut-être Esdras, c'est juste une construction, mais pour quelque chose qui se passe peut-être, en effet, à l'époque perse. Et à cause de cela, certains auteurs ont parlé même d'une autorisation impériale. Ça, c'est une théorie que je vais encore vous exposer avant de vous donner congé. C'est une théorie qui a eu beaucoup de succès et qui, en fait, a été en effet avancée pour la première fois par un dénommé Frey, Peter Frey. Ce n'est pas du tout un bibliste, c'est un banquier à Zurich qui, dans ses heures perdues, s'intéressait à l'histoire de l'Empire perse et de la Bible. Et en lisant les textes, il s'est dit, mais en fait, est-ce que derrière cette histoire d'Esdras, est-ce que ce n'est pas le fait que c'est les Perses qui ont reconnu des traditions législatives des peuples soumis pour en faire une loi perse pour la province en question. Parce qu'en Esdras 7, en effet, comme je viens de vous le montrer, on insiste beaucoup sur le fait que la loi d'Esdras, c'est aussi la loi du roi. Et donc l'idée, c'est en effet que c'est une pratique perse et qui explique du coup aussi pourquoi dans le Pentateuque, on a mis, je ne veux pas dire c'est un fourre-tout, mais on a mis tellement de choses différentes, tellement de lois, tellement de traditions, parce qu'évidemment, on pouvait soumettre aux Perses seulement un document. Vous ne pouvez pas venir avec 4-5 documents en disant « nous voulons l'autorité perse pour tous ces documents ». Donc, il fallait un document. Et donc, il y aurait eu du coup une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire, de nécessité externe pour mettre tout ensemble. Et donc, ça expliquerait en effet le caractère composite de la Torah. C'est magnifique comme théorie. Le seul problème, c'est que en dehors de la Bible, on a très peu d'autres attestations. Dans les textes perses, on n'en parle jamais de cette coutume. Donc on a très peu de choses. La seule chose qu'on pourrait, peut-être deux choses qu'on pourrait avoir, le premier, c'est une trilingue de Xanthos ou de Letoon, qui est écrite en effet en grec et en lycéen et en araméen, où on va en effet, un satrape, un gouverneur perse, intervenir dans une histoire religieuse. C'est-à-dire, il s'agit d'un culte, un nouveau culte qui est fondé ou qui est refondé pour un couple divin à Xanthos, dans lequel un satrape perse intervient pour légitimer ce culte. Et c'est une inscription donc, qui est écrite en araméen, qui est en effet la langue officielle dans l'Empire pour les provinces à l'ouest. Mais ça pose tout de suite la question. Le Pentateuque n'est pas écrit en araméen. Le Pentateuque est écrit en hébreu. Est-ce que les Perses feraient vraiment tout l'effort de lire 5 livres, je ne sais pas combien de chapitres, en hébreu, qu'ils ne maîtrisent probablement pas très très bien. Et évidemment, le Pentateuque n'est pas du tout comparable à cette inscription qui a peut-être une cinquantaine de lignes. Donc du coup, on est quand même assez éloigné. Donc, la chose qu'on peut en effet dire, c'est que les élites judéennes et israélites, ils connaissaient peut-être en effet le fait que parfois les Perses intervenaient dans des histoires religieuses et avaient peut-être en effet dans la tête, lorsqu'ils mettaient le Pentateuque ensemble, une sorte d'approbation par les Perses, rêvée, probablement plus rêvée que réalisable, mais c'était peut-être ce qui les motivait. Et puis, il y avait aussi le cas d'un prêtre égyptien, Utsha Oresne, qui, à l'époque perse, justement, se met au service du roi perse et il est envoyé par le roi perse à Saïs pour restaurer le culte. Et donc, on a voulu faire aussi quelques parallèles entre la mission de ce prêtre, donc Utsha Oresne, et la figure d'Esdras. C'est pas tout à fait la même chose, mais on peut imaginer que les auteurs bibliques se sont inspirés un peu de ces phénomènes-là. Mais cependant, la promulgation de la Torah est avant tout une décision interne. Mais une décision de qui ? Qui a décidé ça ? Alors, souvent on dit ça, tout ça s'est fait en fait à Jérusalem. Est-ce que c'est aussi sûr? Alors, Finkelstein, l'archéologue, dit, mais à l'époque perse, à Jérusalem, il n'y a personne. C'est vrai, c'est très peu peuplé. Bon, en même temps, vous pouvez me dire, s'il y a 10 familles, ça suffit pour écrire la Torah, donc peut-être pas besoin des centaines, des milliers de personnes. Mais en même temps, si vous lisez déjà l'histoire d'Esdras, vous voyez l'importance, en fait, de la Gola, donc des gens qui sont à Babylone, parce qu'Esdras vient avec la loi de la Mésopotamie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et là, je pense quand même qu'il faut totalement revoir notre manière traditionnelle de voir ça, c'est la Samarie. Vous savez qu'il y a un Pentateuque samaritain. Mais on n'a jamais réfléchi comment ça se fait que les Samaritains prennent aussi le Pentateuque. Parce que sur le plan politique, la province plus forte, plus puissante, c'était la province de Samarina. Et est-ce qu'ils auraient accepté s'il y a quelques Judéens qui se seraient pointés en disant « Écoutez, nous avons là la Torah, est-ce que ça vous intéresse ?» Et puis ils disent « oui, bah, on prend. » Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Alors là aussi, l'archéologique peut quand même aider, parce qu'on a souvent suivi Flavio Joseph qui dit que c'est seulement à l'époque hellénistique qu'on aurait fondé un sanctuaire sur le mont Garizim, hein, par quelques prêtres dissidents de Jérusalem, qui se seraient installés à Samarie. Maintenant, on sait que sur le Garizim, il y a un temple dès le 5e siècle. Donc ça, maintenant, on ne peut plus... Donc il faut revoir un peu le discours de Flavius. Et donc ça veut dire, en fait, qu'au moment où on met le Pentateuque en place, vous avez à la fois le temple de Jérusalem, et vous avez aussi le temple de Garizim. Et on ne peut plus simplement imaginer que tout vient de Jérusalem. Donc il faut voir le Pentateuque beaucoup plus comme une sorte de coproduction entre les Judéens et les Samariens. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est que il y avait un autre temple encore de Yahvé, à Éléphantine, en Égypte. Bon, ce n'était pas un culte très cachère, parce qu'il y avait à côté de Yahvé, il y avait une autre déesse, il y avait encore une troisième divinité. Mais ce temple, lorsqu'il a été détruit par les Égyptiens, les responsables de ce temple ont écrit à la fois aux autorités de Samarie et aux autorités de Jérusalem. Donc, ils reconnaissaient tous les deux comme étant compétents dans les affaires religieuses. Et donc, on sait que dans cette correspondance, il y a à Jérusalem une sorte de collège de prêtres, mais il y a aussi un collège des anciens ou un collège laïque, probablement comme aussi à Samarie. Et donc le Pentateuque, en effet, d'une certaine manière, va prendre en compte cette situation. Et c'est pour cela aussi que ça vous explique certaines choses qui, au début, on se dit, mais pourquoi ça... On a mis des choses ensemble qui ne vont pas. Deutéronome 12, je vous ai déjà montré avec Devet, centralisation du culte. Un seul lieu que Yahvé peut choisir. Évidemment, le lieu n'est pas nommé. Donc à Samarie, on peut le lire pour le Garizim, à Jérusalem, on peut le lire pour Jérusalem. Mais en même temps, vous avez en Exode 20 l'idée que Yahvé peut avoir des autels n'importe où. À n'importe quel lieu que je choisirai, tu me feras un autel. Jérusalem n'est jamais mentionnée, mais il y a quand même la rencontre avec le prêtre de Shalem ou Salem, Melchisedec, qu'Abraham va rencontrer. Donc ça, ça fait quand même beaucoup allusion à Jérusalem. Et finalement, en Deutéronome 27, dans la version du Pentateuque samaritain, bah là, vous avez en effet l'idée de construire un autel sur le Garizim, ce que les Massorètes, après, ont changé en Ébal, parce qu'évidemment, après, on ne s'entendait plus tellement bien. Et donc, en effet, vous voyez comment le Pentateuque, en effet, intègre la possibilité d'être lu de différentes manières par les gens du Garizim et par les gens de Jérusalem. Mais aussi encore par d'autres gens. L'histoire de Joseph, je vous ai déjà parlé, et surtout par toute la diaspora, parce que Moïse, en effet, va mourir en dehors du pays. Voilà. Mais quelle était l'étendue ? Puis on va arrêter. Je vois que certains regardent leur montre et puis il est temps. Quelle était l'étendue de cette Torah ? Parce qu'on parle toujours du Pentateuque. Mais on a presque eu un Hexateuque. Parce qu'on voit qu'il y avait tout un débat si la Torah devait s'arrêter avec la mort de Moïse ou avec la conquête du pays. Et ça, je vais vous la raconter la semaine prochaine. Bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.